de revoir tes yeux pour le plaisir de t'embrasser encore. J'ai perdu pied en t'enlaçant tendrement. L'amour qui ne m'est pas ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ne me laisse pas.